Jonathan, a rapidement donc la France qui voudrait continuer à voilà à piloter notamment ces rebelles de la CPC qui étaient jusqu'ici en tout cas réduites donc à leur position les plus simples possibles. Est-ce qu'elle vaut véritablement encore aujourd'hui ces rebelles de la CPC en termes de poids, en termes de position pour espérer quoi que ce soit en tout cas en guise de déstabilisation en République centrafricaine? Je vais juste répéter une chose. C'est le scénario d'Abidjan qui se profile. Il n'y a plus de CPC qui va et qui a les capacités. Vous avez vu, quand on est allé, ils ont détruit toutes les infrastructures, tout le personnel compétent ivoirien. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris quelques voyous, anciens chasseurs de la confrérie des Dozo, qui sont venus arrêter le président Gbagbo. Mais en fait, c'est les forces spéciales françaises qui étaient là-bas, les légionnaires, les fameux légionnaires, les mercenaires, c'est eux qui sont entrés à la présidence. Donc, c'est ce qu'ils veulent faire. Et le grand frère patient parfait a tout dit. Il y a la question des BRICS. Quand vous voyez le projet des BRICS pour Bangui, vous savez, l'Occident avait peur du Mali au niveau de l'Afrique de l'Ouest parce que le Mali allait être un exemple exemplaire en matière de lutte contre les terroristes. Donc, stratégiquement, aujourd'hui, le Centrafrique va devenir un exemple exemplaire dans un autre domaine. Le Mali a montré qu'avec un pays africain et quelque part et des partenaires internationaux qui sont fiables, vous pouvez mettre, réduire à la plus simple expression les terroristes. Aujourd'hui, les terroristes sont en débandade. Moi, j'ai vu il y a quelques jours, il y a quelques semaines, les forces burkinabè sont allées trouver des terroristes qui sont morts de famine dans la brousse. Morts de famine. C'est-à-dire, ce n'est même pas les combats. Ils ont tellement peur qu'ils ont peur d'aller même encore demander la nourriture ou bien arnaquer les populations. Et ils meurent de famine dans la brousse. Cet exemple que le Burkina a copié, c'est au Mali. C'est ça être un exemple exemplaire en matière de libération. Le Mali l'est. Vous voyez qu'au Niger, de plus en plus, les gens demandent à agir comme les Maliens. Ils disent qu'il faut que notre armée aussi se comporte comme l'armée malienne, avec ses propres moyens, avec sa propre capacité de défense. Vous avez vu comment le général Taga a été moqué toute la journée d'hier, quand il a voulu s'exprimer de manière un peu condescendante vis-à-vis du Mali et du Burkina. C'est les populations nigériennes qui ont dit, nous ne nous sentons même pas, nous ne te connaissons même pas. D'ailleurs, s'il y a un problème, nous allons te livrer pour que tu sois arrêté. De ce côté-là, le Mali est l'exemple exemplaire en matière de sécurisation, en matière de montée en puissance du dispositif d'une armée. Le Centrafrique l'a fait. Mais la question centrafricaine avait moins de résonance géopolitique parce que c'était une rébellion. C'était pas le même contexte. Là-bas, c'était le terrorisme dans le Sahel. Et il y a un élément aujourd'hui sur le plan géopolitique que le Centrafrique a posé avec majuscule, c'est la question du développement économique et de l'ancrage économique de la lutte de libération africaine à partir des BRICS. Et c'est peut-être là toute la particularité, notamment de la dynamique du professeur Faustin Akanji Le Touadéra. Président Faustin Akanji Touadéra, dans la dynamique des BRICS aujourd'hui, va se retrouver nécessairement à aller adopter la monnaie des BRICS. Quand on parle de la réforme du franc CFA, vers quelle nouvelle monnaie on va arriver? Le grand frère, tout à l'heure, patient parfait, a donné cette dynamique. Il a dit qu'il y a toute une dynamique des BRICS derrière. La dynamique, c'est qu'il y a la monnaie des BRICS. Les projets des BRICS qui vont être réalisés. Le développement que la France n'a pas pu réaliser au Tchad, au Gabon, au Centrafrique, depuis les indépendances, va être visible avec le président Faustin Akanji Touadéra en moins d'une décennie. C'est un miracle économique qui se prépare. Et il faut l'empêcher. Comme ils veulent empêcher ce miracle économique, ils vont tout maquiller sous les oripeaux d'une rébellion, d'une pseudo-rébellion. Mais en fait, une guerre ouverte de la France contre le Centrafrique. Voilà ce qui se prépare. Ils veulent empêcher que le président Faustin Akanji Touadéra matérialise ses ambitions économiques pour le Centrafrique. On parle de 35 millions d'Africains qui vont venir dans ce pays. On parle de faire venir des investisseurs d'envergure. Alors là, les pays africains vont assister pour une fois à des investissements pharaoniques dans un pays, digne de l'époque des pharaons en Égypte. Ce saut quantique dans le développement qu'impulse le président Touadéra fait peur à la jeune française. Parce que là, le Centrafrique devient un exemple exemplaire de ce que la coopération multilatéraliste avec en toile de fond les BRICS peut apporter à un pays. Et en ce moment, vous savez que ça bouleverse tout l'imaginaire qui a été construit par les intellectuels, comme l'a dit tout à l'heure le grand frère Patient Parfait, et tout à l'heure aussi notre frère, le grand frère Jeune Diaoué. Les intellectuels ont longtemps vanté la coopération avec le FMI, la Banque mondiale, comme étant porteuse de développement. On a vanté l'aide publique au développement comme étant un mécanisme fondamental pour booster les efforts. Mais cette coopération avec les BRICS va venir casser cette image. Et c'est de ça que la France a peur. C'est de ça que l'Occident collectif a peur. C'est pourquoi ils font tout pour créer des foyers de tension à côté du Centrafrique au Soudan. Créer cette nouvelle psychose de la guerre dans le nord-est de la Centrafrique, dans le nord-ouest de la Centrafrique, et donner l'impression que le Centrafrique est un pays qui est constamment sous la menace d'une rébellion. Voilà ce qu'il veut reconstruire. Pourtant, on sait très bien qu'il y a eu un travail phénoménal. C'est pas nous qui le disons, c'est le rapport de la CIA de 2019 et celui de 2020. Leurs rapports sont clairs. Le Centrafrique a récupéré 85% de son territoire selon la CIA. Donc, si nous disons que c'est, on va dire, c'est des propagandistes. Mais c'est la CIA qui a dit. La CIA fait aussi la propagande et la CIA a précisé à l'intérieur grâce à l'aide russe. C'est dans ce noir et blanc. Avec ces détails qui sont apportés, vous voyez que la crainte occidentale est là. L'Occident a peur de sa chute. Il est en chute libre. Mais la France particulièrement. Et donc finalement la menace de la CPC reste une vue de l'esprit. Non, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est concret. C'est concret. Ils ont amené des chars, ils ont amené des hommes. C'est concret. Bah, puisque finalement, ils vont continuer à du moins, ils vont faire perdurer la psychose. Non, ça ne va pas perdurer. Mon frère Ndoum, ça ne va pas perdurer. Nos frères tchadiens, nous réitérons, vous êtes, comme disait le grand frère Patient Parfait, des vigiles. Prenez vos téléphones, filmez-les. Et n'hésitez pas à partager nous des informations. S'ils se déplacent dans la brousse, vous dites qu'ils sont passés dans mon champ à tel niveau. Vous nous donnez toutes les informations. Les soldats français doivent savoir une chose. Ils sont en insécurité en Afrique. Ceux qui veulent se suicider, qu'ils continuent dans les missions que leur État leur assigne. Nous leur donnons le sage conseil. Faites preuve de désobéissance civile. Dans le contexte militaire, ça peut vous valoir des sanctions, mais c'est mieux que d'aller mourir inutilement sur le territoire de l'Afrique. Vous ne servez à rien en Afrique. Vous n'avez aucun rôle à jouer en Afrique. Vous n'êtes les gardiens de rien en Afrique. Les missions illégales que votre État vous confie vont vous valoir de perdre votre vie pour une cause inutile. Vous n'avez pas décidé de servir la France dans l'inutilité. Vous avez décidé de servir la France pour son honneur. Et là, vous êtes en train de la servir pour son déshonneur. Parce que même l'histoire vous jugera. Vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Ces généraux qui ont gardé ces méthodes impérialistes, nous leur disons encore, le monde multilatéraliste ne se fera pas seulement dans le cadre d'une coopération multilatérale. Il y aura un tribunal criminel spécial pour les criminels que vous êtes. Ceux qui ont donné les ordres en Irak. Ceux qui ont donné les ordres en Syrie, ceux qui ont donné les ordres en Libye, vous serez jugés. Le chef d'état-major français et tous ces généraux qui l'ont accompagné dans leurs décisions criminelles, vous serez un jour jugés. Sachez-le, le temps de l'Afrique, ça ne se refera pas seulement dans des relations pacifiques avec les peuples. Nous allons juger tous les criminels et tous ceux qui sont en train de se mettre dans le sillage du crime international. Avec la complicité de la mafia au pouvoir en France, vous serez jugé. D'accord. Sachez-le, vous serez jugé. Le temps de la justice viendra. Continuez dans cette sale besogne, mais vous serez rattrapé par la justice. Et cette justice sera faite par ceux qui actuellement sont vos victimes. Merci, merci à vous Jonathan Batengene. Afrique Média, le monde, c'est nous.